Jacques. En attendant, ma belle, notre charmante hôtesse, si nous disions un mot à la bouteille. L'hôtesse. Monsieur Jacques, mon vin de champagne m'embellit à vos yeux. Le maître. Je suis pressé depuis si longtemps de vous faire une question, peut-être indiscrète, que je ne saurais plus tenir. L'hôtesse. Faites votre question. Le maître. Je suis sûr que vous n'êtes pas né dans une hôtellerie. Il est vrai. Que vous avez été conduit d'un état plus élevé par des circonstances extraordinaires. J'en conviens. Et nous suspendions un moment l'histoire de Madame de la Pommeraye. Cela ne se peut. Je raconte volontiers les aventures des autres, mais non pas les miennes. Sachez seulement que j'ai été élevé à Saint-Cyr, où j'ai pelu l'Évangile et beaucoup de romans. De l'abbaye royale à l'auberge que je tiens, il y a loin. Le maître, il suffit. Prenez que je ne vous ai rien dit. L'hôtesse, tandis que nos deux dévotes édifiées et que la bonne odeur de leur piété, de la sainteté de leurs mœurs se répandait à la ronde, Madame de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié, de la confiance la plus parfaite. Toujours bienvenu, jamais ni grondé, ni boudé, même pas après de longues absences, il lui racontait toutes ses petites bonnes fortunes. Elle paraissait s'en amuser franchement. Elle lui donnait ses conseils dans les occasions d'un succès difficile. Elle lui jetait quelquefois des mots de « mariage », mais c'était d'un ton si désintéressé qu'on ne pouvait la soupçonner de parler pour elle. Si le marquis lui adressait quelques-uns de ses propos tendres ou galants, dont on ne peut guère se dispenser avec une femme qu'on a connue, ou elle en souriait, ou elle laissait tomber. À l'en croire, son cœur était paisible. Et, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, elle éprouvait qu'un ami tel que lui suffirait au bonheur de la vie. Et puis, elle n'était pas de la première jeunesse, et ses goûts étaient bien émoussés. « Quoi ? Vous n'avez rien à me confier, madame ?»« Non. »« Mais le petit comte, mon ami, qui vous pressait si vivement de mon règne, je lui ferme ma porte, et je ne le vois plus. C'est d'une bizarrerie. Et pourquoi l'avoir éloigné ? C'est qu'il ne me plaît pas. » « Ah, madame, je crois vous deviner. Vous m'aimez encore. » « Cela se peut. Vous comptez sur un retour. Pourquoi non ? Et vous vous ménagez tous les avantages d'une conduite sans reproche. Je le crois. Et si j'avais le bonheur ou le malheur de reprendre, vous feriez au moins un mérite du silence que vous garderiez sur mes torts. Vous me croyez bien délicate et bien généreuse. Mon ami, après ce que vous avez fait, il n'est aucune sorte d'héroïsme dont vous ne soyez capable. Je ne suis pas trop fâché que vous le pensiez. Ma foi, je cours le plus grand danger avec vous, j'en suis sûr, madame. Et moi aussi, dit Jacques.